Chapitre 3e. Mariette s'aperçut bientôt que sa marraine s'était endormie. Suspendant alors un instant son travail, la jeune fille, qui jusqu'alors avait couvé du regard la lettre de Louis Richard, le fils de l'écrivain public, lettre posée sur ses genoux, la décacheta et l'ouvrit. Vaine et puérile curiosité, car nous l'avons dit, la pauvre ouvrière ne savait pas lire. Aussi, rien n'était à la fois plus touchant et plus pénible que de voir la jeune fille contempler avec un vif abattement de cœur ces caractères pour elle incompréhensibles. Elle remarqua seulement, avec un mélange d'inquiétude et d'espoir, que la lettre était très courte. Cette lettre si courte et si pressée, ainsi que le marquait l'annotation visible à un coin de l'enveloppe, annonçait-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle? Mariette, les yeux fixés sur le mystérieux écrit, se perdait en conjectures, songeant qu'évidemment une lettre si brève, après une assez longue séparation, annonçait quelque chose d'inattendu, soit un prochain retour, car si Louis devait arriver presque en même temps que sa lettre, il n'aurait pas eu besoin d'écrire, soit une mauvaise nouvelle imprévue qui ne laissait pas à Louis le temps de s'expliquer longuement. Ces poignantes perplexités firent éprouver à Mariette un des mille tourments auxquels sont exposés les infortunés que le malheur ou l'abandon déshérite d'une éducation première. Tenir là, dans sa main, sous ses yeux, quelques lignes qui vous apportent la joie ou la douleur, et ne pouvoir pénétrer ce secret, être obligé d'aller demander à un étranger de lire ces lignes et de recevoir de sa bouche au moins indifférente l'annonce d'une nouvelle à laquelle votre vie est, pour ainsi dire, suspendue. Telles étaient les réflexions de Mariette. Ses angoisses atteignirent bientôt à leur comble. Aussi, voyant sa marraine continuer de dormir, elle résolut, au risque d'être cruellement traitée à son retour, les bons moments de Madame Lacombe étaient rares, elle résolut de courir chez l'écrivain public. La jeune ouvrière se leva de sa chaise avec précaution afin de ne pas éveiller la malade. Mais au moment où elle s'approcha de la porte, en marchant sur la pointe du pied, elle fut soudain arrêtée par une pensée désolante. Elle ne pouvait faire lire sa lettre à l'écrivain public sans lui demander d'y répondre. Réponse peut-être imposée par le contenu de la lettre de Louis. Il faudrait donc encore payer le vieillard, et Mariette ne possédait plus que ce qu'il lui fallait pour acheter le pain de la journée, pain qu'elle devait solder comptant, le boulanger, déjà créancier d'une vingtaine de francs, refusant d'ouvrir un nouveau crédit. Mariette avait touché la veille sa semaine, ne montant qu'à 5 francs, les soins qu'elle donnait à sa marraine absorbant une partie de son temps. La plus grande partie de cette modique somme avait été employée à rembourser la portière de quelques avances et à donner un acompte sur le blanchissage. Il n'était resté Mariette que 25 sous, sur lesquels elle avait déjà prélevé les frais de sa correspondance avec Louis. En présence des besoins de sa marraine et de sa position déjà si obérée, la pauvre enfant se reprochait cette dépense épistolaire comme une prodigalité coupable. L'on sourira peut-être de pitié à la peinture de ses angoisses navrantes, de ses cruelles récriminations contre soi-même à propos de 2 ou 3 pièces de 50 centimes. Hélas, il n'est pas de petite somme pour le malheureux. Une augmentation de 10 sous sur son salaire lui permet souvent de soutenir son existence au lieu de mourir un peu chaque jour et de sentir sa vie s'épuiser. Se tarir dans une sorte d'agonie vivante est un moyen entre la maladie et la santé qui conduit prématurément tant de gens au tombeau. Mariette, afin de s'épargner un surcroît de dépenses, songea d'abord à faire lire la lettre de Louis par la portière, mais craignant le bavardage et peut-être les railleries de cette femme, dans sa délicate susceptibilité, la jeune fille s'effraya et elle préféra accomplir un pénible sacrifice. Il lui restait une robe d'une jolie étoffe qu'elle avait achetée au temple et refaite à sa taille. Elle la conservait, ainsi qu'on dit, pour les grands jours. 2 ou 3 fois seulement, elle l'avait portée pour se faire belle et sortir avec Louis. Mariette mit en soupirant sa jolie robe dans un petit cabas de paille, y joignit un fichu de soie afin de porter le tout au Mont-Piété. Tenant d'une main son petit paquet et marchant légèrement, afin de ne pas troubler le sommeil de sa marraine, la jeune ouvrière atteignait la porte lorsque Madame Lacombe fit un mouvement et, s'éveillant à demi, murmura « Allons, elle sort encore et... » Mais elle n'acheva pas et retomba dans son assoupissement. Mariette, profitant de cette circonstance, resta un moment immobile et muette. Puis, ouvrant la porte avec la plus grande précaution, elle sortit, retira la clé, qu'elle déposa en passant chez la portière, et se rendit en hâte au Mont-de-Piété. On lui prêta 50 sous sur sa robe et son fichu. Munie de cette somme, Mariette courut au charnier des Innocents afin d'y retrouver l'écrivain public. Depuis le départ de Mariette, et surtout depuis qu'il avait pris connaissance de la lettre que son fils lui avait écrite de Dreux dans la matinée, le vieillard réfléchissait avec une anxiété croissante aux entraves que pouvait apporter à ses projets le secret que le hasard lui avait fait découvrir lors de son entrevue avec la jeune fille. Soudain, il la vit paraître de nouveau à la porte de son échoppe, ne cachant pas sa surprise, mais dissimulant les vagues inquiétudes que lui causait le retour subit de sa cliente, l'écrivain lui dit « Qu'y a-t-il, mon enfant? Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. » « Monsieur, » répondit Mariette, en tirant de son sein la lettre qu'elle avait reçue, « voici un mot de Monsieur Louis. Je viens vous prier de me le lire et d'y répondre si cela est nécessaire. » Et la jeune ouvrière, palpitante d'inquiétude et de curiosité, attendit la lecture des quelques lignes de Louis. L'écrivain public, qu'elle ne quittait pas du regard, lut en un instant cette courte missive, cacha difficilement la contrariété qu'elle lui fit éprouver, puis soudain, feignant un douloureux étonnement, il déchira la lettre à la grande stupeur de Mariette et s'écria « Ah, pauvre enfant !» Et il jeta les morceaux de la lettre sous son bureau, après les avoir froissés entre ses mains. « Monsieur ! » dit Mariette en pâlissant. « Que faites-vous ? » ?»« Ah, pauvre enfant !» répéta le vieillard d'un air consterné. « Oh mon Dieu !» murmura la jeune fille en joignant les mains. « Il est arrivé malheur à Monsieur Louis. »« Non, mon enfant, non. Mais ce que vous pouvez faire de mieux, c'est de l'oublier. »« L'oublier ? » ?»« Oui, croyez-moi, renoncez à de trop chères espérances. »« Comment, Monsieur Louis ? Que lui est-il arrivé, mon Dieu ?» « Tenez, ma pauvre enfant, c'est quelque chose de bien triste que l'ignorance est cependant. En cette occasion, je vous plaindrai de savoir lire. Mais, monsieur, qu'y a-t-il dans cette lettre ? Il ne faut plus songer à un mariage désormais impossible. » « Monsieur Louis m'écrit cela ? » ?»« Oui, en faisant appel à la générosité, à la délicatesse de votre cœur. » « Monsieur Louis me dit de renoncer à lui et qu'il renonce à moi ? » ?»« Hélas, oui, pauvre enfant. Allons, du courage. » De la résignation. » Mariette devint pâle comme une morte, garda un moment le silence, pendant que de grosses larmes coulaient de ses yeux. Puis, se baissant soudain, elle ramassa les morceaux lacérés de la lettre, les remit à l'écrivain, et lui dit une voix altérée. « Monsieur, j'aurai le courage de tout entendre, rajuster ces morceaux. J'écoute. Mon enfant, croyez-moi, n'insistez pas, je vous en supplie. « Monsieur, lisez, par grâce, lisez. Mais ignorez ce que dit cette lettre, si pénible qu'elle me soit à entendre. Tenez, monsieur, ce serait à en mourir. Je vous ai fait connaître le sens de ces lignes. Épargnez-vous un nouveau coup. Monsieur, ayez pitié de moi. Si, comme vous me l'avez dit, je vous inspire quelque intérêt, lisez au nom du ciel, lisez. Que je sache au moins toute l'étendue de mon malheur. Et puis il y aura peut-être une ligne. » Un mot de consolation. Allons, pauvre enfant, puisque vous l'exigez, dit le vieillard en rajustant les morceaux à côté les uns des autres, pendant que Mariette, anéantie, les traits bouleversés, attachait un regard fixe et désolé sur l'écrivain public. Écoutez donc cette lettre. Et il lut. Ma chère Mariette, je vous écris en hâte quelques mots. J'ai la mort dans l'âme. Il faut renoncer à nos projets. Il s'agit pour moi d'assurer à mon père l'aisance et le repos pour ses vieux jours. Vous savez si j'aime mon père. J'ai donné parole. Nous ne pouvons plus nous voir. Une dernière prière. Je l'adresse à la délicatesse, à la générosité de votre cœur. Ne tentez pas de me revoir ou de changer ma résolution. Il me faudrait opter entre mon père et vous. Peut-être, en vous revoyant, n'aurais-je plus le courage d'accomplir mon devoir de fils. Le sort de l'avenir de mon père est donc entre vos mains. Je compte sur la générosité de votre cœur. Adieu. La douleur me fait tomber la plume des mains. Encore adieu, et pour toujours adieu. Louis. » Tant que dura la lecture de ce billet, Mariette aurait pu offrir à un peintre le triste modèle de la douleur. debout et immobile auprès du bureau de l'écrivain, les bras pendants, les mains jointes et les doigts entrelacés, muette, les lèvres agitées d'un tremblement convulsif, les yeux baissés et noyés de larmes qui coulaient sur ses joues, la pauvre créature écoutait encore, quoique le vieillard eût terminé sa lecture. Le premier, il rompit le silence et dit « J'étais bien certain, mon enfant, que cette lettre vous ferait un mal affreux. » Mariette ne répondit rien. « Mon enfant, reprit le père Richard, ne tremblez pas ainsi, asseyez-vous. Tenez, buvez un peu d'eau fraîche. » Mariette n'entendit pas. Le regard toujours fixe et baigné de pleurs, elle murmura à mi-voix, avec une expression déchirante. « Allons, c'est fini. Rien, plus rien au monde. C'était trop heureux. Ah, je suis comme ma marraine. Le bonheur n'est pas fait pour moi. » Puis elle ajouta, avec un sanglot étouffé et un accent impossible à rendre. « Enfin, mon enfant, reprit le vieillard, involontairement ému de ce morne désespoir, de grâce, remettez-vous. » Ces paroles rappelèrent à la jeune fille à elle-même. Elle essuya ses yeux et dit à l'écrivain d'une voix qu'elle tâcha de rendre assurée « Merci, monsieur. » Puis elle ramassa lentement sur la table les morceaux de la lettre lacérée. « Que faites-vous ? » dit le père Richard avec inquiétude. « À quoi bon conserver ces débris qui ne vous rappelleront que trop de douloureux souvenirs ?»« La tombe de quelqu'un que l'on a bien aimé rappelle aussi de douloureux et chers souvenirs. » répondit Mariette avec un sourire navrant. « Et pourtant, on ne la délaisse pas, cette tombe. » Et après avoir réuni les morceaux de papier dans l'enveloppe, Mariette la mit dans son sein et, croisant son petit châle, elle se disposa à sortir en disant au vieillard « Je vous remercie de votre complaisance, monsieur. » Et par un scrupule plein de délicatesse, elle ajouta timidement « Quoiqu'il n'y eût pas de réponse à écrire à cette lettre, monsieur, je dois, après la peine que vous avez prise, vous offrir, ce sera donc 10 sous, comme pour une lettre. » dit le vieillard en interrompant Mariette, et sans hésiter le moins du monde à accepter cette rémunération, il la reçut, l'empochant avec une sorte de sensualité, malgré les émotions diverses dont il était agité depuis le retour de la jeune fille. « Allons, mon enfant, au revoir, et ce sera, je l'espère, dans des circonstances moins tristes. »« Que Dieu vous entende, monsieur, » répondit Mariette. Elle s'éloigna lentement, tandis que le père Richard, très empressé de retourner chez lui, fermait les volets de son échoppe, terminant ainsi sa journée plus tôt que de coutume. Mariette, en proie aux plus poignantes, aux plus noires idées, marcha machinalement devant elle, sans se rendre compte du chemin qu'elle suivait. Elle arriva ainsi aux environs du pont au change. À l'aspect de la rivière, la jeune fille tressaillit, comme en s'éveillant sursaut d'un rêve, et murmura « C'est mon mauvais sort qui m'a amené ici. » Et traversant rapidement le trottoir, elle s'accouda au parapet, contemplant d'un œil fixe les eaux rapides du fleuve. Peu à peu, Mariette subit cette sorte de fascination étrange que cause l'attraction de l'abîme. À mesure que son regard suivait le courant, elle se sentait prise d'une sorte de vertige, toujours accoudée au parapet, sa tête entre ses deux mains. Elle se penchait de plus en plus au-dessus de la rivière. « Là est pourtant l'oubli de tous les chagrins, » se disait cette malheureuse enfant. « Là est un refuge assuré contre toutes les misères, contre la crainte de la faim, de la maladie ou d'une vieillesse malheureuse, malheureuse comme celle de ma marraine. » « Ma marraine ? Mais sans moi, qu'est-ce qu'elle va devenir ?» À ce moment, Mariette se sentit saisie fortement par le bras et entendit une voix lui dire d'un ton effrayé « Prenez donc garde, ma petite, vous allez tomber dans la rivière !» La jeune fille frémit, se redressa, jeta les yeux autour d'elle d'un air hagard et vit une grosse femme d'une bonne et honnête figure qui reprit affectueusement « « Savez-vous que vous êtes bien imprudente, au moins, ma petite, de vous pencher ainsi sur le parapet ? J'ai vu le moment où vos pieds allaient quitter terre. C'est que je ne faisais pas attention, madame. Je vous remercie. »« Mais il faut faire attention, ma petite. Oh mon Dieu, comme vous êtes pâle. Est-ce que vous vous sentez mal ?»« Non, madame, un peu de faiblesse seulement, » dit Mariette, qui éprouvait une sorte d'étourdissement douloureux. « Ça ne sera rien. Appuyez-vous sur moi. » « Vous relevez sans doute de maladie ?»« Oui, oui, madame, » ajoutant Mariette en passant ses mains sur son front. « Où suis-je, s'il vous plaît ? entre le pont Neuf et le pont au Change, ma petite. Vous êtes étrangère à Paris, peut-être ? Non, madame, mais tout à l'heure j'ai eu une espèce d'étourdissement. Maintenant cela passe et je me reconnais. Vous ne voulez pas que je vous accompagne, mon enfant ? Dit cordialement la grosse femme. Vous tremblez de tout votre corps. Voyons, prenez mon bras. Je vous remercie, madame, je demeure tout près d'ici. Ça aura été tout à votre service, ma petite. Allons, bon courage. Et l'obligeante femme poursuivit sa route. Mariette, revenue tout à fait à elle, n'en ressentit que plus amèrement son horrible chagrin, auquel se joignait la crainte d'être brutalement reçue par sa marraine, alors que la pauvre enfant aurait eu tant besoin de consolation, ou du moins de cet isolement, de ce calme morne où parfois la douleur s'engourdit. Désirant conjurer les durs reproches que la prolongation de son absence pouvait lui attirer, et se rappelant le désir exprimé le matin par sa marraine de manger du poulet, Mariette espéra se faire pardonner sa sortie en satisfaisant aux caprices de la malade, et riche de ce qui lui restait des 50 sous qu'on lui avait prêtés au Mont-de-Piété, elle entra chez un rôtisseur, acheta un quart de poulet, deux petits pains blancs chez un boulanger, et se hâta de rentrer au logis. Un cabriolet assez élégant était arrêté à la porte de la maison où demeurait Mariette. Elle ne remarqua pas d'abord cette circonstance et s'arrêta chez la portière pour lui demander sa clé. « Votre clé, mademoiselle Mariette ?» lui dit madame Justin. « Je ne l'ai pas. Ce monsieur vient de la prendre à l'instant. »« Quel monsieur ?»« Un monsieur décoré. »« Ah oui, on peut dire qu'il est décoré, celui-là. Un ruban de 2 pouces qui vous fait les cornes. Je n'ai vu personne d'aussi décoré que ça. » « Mais, dit la jeune fille très surprise, je ne connais pas de monsieur décoré. Il se sera sans doute trompé. Oh non, ma fille. Il m'a demandé si c'était ici que demeurait une femme Lacombe, une estropiée qui habitait avec sa filleule, couturière de son état. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'erreur. Vous n'avez donc pas dit à ce monsieur que ma marraine était malade et ne pouvait voir personne ? Si, ma petite. Mais il m'a répondu qu'il voulait lui parler tout de même. » Et qu'il venait pour une affaire très importante et très pressée. Et moi alors je lui donnai la clé, et je l'ai laissé monter seul, ne me souciant pas d'être rudoyé par votre marraine. Je vais voir ce que c'est, madame Justin, dit Mariette, et de plus en plus étonnée, elle atteignit le palier du 5e étage. Là, elle s'aperçut que l'étranger avait laissé la porte entr'ouverte, et ses mots arrivèrent jusqu'à elle. Puisque votre fille est sortie, ma brave femme, cela se trouve à merveille. Je vais donc m'expliquer clairement. » Mariette, au lieu d'entrer, céda un sentiment de curiosité involontaire, et restant sur le palier, elle écouta l'entretien de sa marraine et de l'étranger.